cette catégorie, il faut être champion. Plus vous mettez du bruit, plus vous avez raison. On vous ouvre les portes, la foule vous transporte. Et elle vous dit bravo, soyez notre gourou. C'est ce qu'on attend de vous. Il y a des roses, il y a des ronces. Il y a du piquant dans la réponse. Qu'est-ce qu'on attend de fort? En passant à la banque, en allant faire du sport, en battant des records dans le saltimbanque. Après la mise au monde, avant la mise au trou sur cette map au monde. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Mais l'homme occupe dans cette société une position complexe. Si on regarde à travers le fil conducteur qui est le pouvoir, si en tant qu'individu appartenant à une autre classe sociale, il est soit détenteur du pouvoir, soit soumis à lui, en tant que mâle, il doit l'exercer sur toutes les femmes pour pouvoir jouer le rôle du chef, de chef qui lui est assigné. Dans la famille, l'homme doit pouvoir considérer comme un droit de domination qui exerce sur les femmes. Si la virilité est l'ensemble des qualités attribuées aux hommes et qui permettent de justifier le pouvoir social de tous les hommes, la fabrication des mâles. Double hauteur, parce que dans une tête d'homme, il n'y en a pas tant que ça. Là. Ça en prend deux pour faire un livre. C'est M. Falconet et M. Le Faucheur. J'ai dit Le Faucheur. La langue m'a fourché. Non, non, pas fourché, c'est Le Faucheur. Vous l'étudiez, c'est Le Faucheur. Le four... Mais... La fabrication des mâles. C'est un bou... Ouais, c'est un bou... Maman. Hey. Un bouquin. Quin? Ben oui, pourquoi pas. On a... C'est... Ben, ce qu'on dit en arrière, là, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'est un homme? Comment les hommes se représentent-ils leur rôle? Comment ont-ils acquis? Hein? Pourquoi je lis avec une voix comme ça? Ben, c'est instinctif. C'est primaire. Non, moi, c'est rénal, là, mais c'est primaire. Ont-ils acquis leur... Je ne sais pas pourquoi. Hein? Here we go, attention, les jeux sont faits. Qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas demain. Hein? Puis aujourd'hui, c'est ni hier, puis encore moins maintenant. Ben, aujourd'hui, c'est maintenant. C'est... Merci. Je m'éclaire moi-même, mesdames et messieurs. Je suis un fantastique loup-barou, loup-garou. Pas l'autre, là. Belle, comme une merle dans un fond de poubelle. C'est qui, le garou? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, voyons donc, toi? Vas-y, OK, on y va. Oui? Mais, allô? Mais, avez-vous... monsieur. Qu'est-ce que... Monsieur, selon vous, là, vous êtes un homme d'aujourd'hui? Oui? Non, mais on va dire les vraies affaires. Parce qu'on peut, là. On est assez KRL. Une radio libre, pour ne pas dire libertaire. Associative. Vous savez ce que ça veut dire, l'association? Bon. Qu'est-ce que... Non, vous savez pas. Regardez dans vos grands livres. Là. Qu'est-ce que... Voyons donc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'être un homme? Pardon? Êtes-vous un homme, vous? Ah, moi, un homme fatigué, hein? Ah, oh, moi, pas facile d'être en 2015, 2016, là. Eh oui, oh, mon... Allez-vous passer la fin janvier? Ah oui. Est-ce qu'on vous réveille sans doute? OK. Ça, c'est vous, votre voix lorsqu'on vous agite, qu'on vous appelle à répondre hors du lit? Bien, le mieux, monsieur, là, c'est rester dans votre lit. Ben oui, montez la... Je vous conseille sincèrement, là, remontez la couverture. Mais ouvrez un peu plus fort la radio. Parce que peut-être que vous allez mettre vos draps sur votre tête. Non, vous allez, non, vous allez encore respirer, là, monsieur, là. Ben oui, je sais que c'est tellement dur d'être un gars homme. Mais moi, le mot homme, là, ça m'intéresse pas. Non, oui, vous, ça vous intéresse? Ah. Êtes-vous en train de me remettre en question, là? OK. Êtes-vous l'avocat du diable? Enchanté, moi, c'est Reine au nez rouge. Je fais de l'humour, hein? Mais quand on se réveille, là, comme vous, là, est-ce que ça fait rire? Ah oui, vous riez à l'intérieur. Ah oui, OK, vous avez un rire ensommeillé. Oh, ça attire-tu la petite pitoune, ça? Les morceaux de... Ah oui, même pas besoin de draver dessus, là. Ah, mon, c'est un petit truc, hein? C'est comme le yo-yo, hein? Le sommeil, là, la prise du sommeil à la lutte. Mon yo-yo, c'est faire dormir, le yo-yo. Il a l'air de rien, mais il roule. Vous avez l'air de rien, mais hein? OK. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'être un homme? Comment les hommes se représentent-ils leur rôle? Comment ont-ils acquis leurs idées personnelles ou sur les femmes? Sur le sexe, sur la famille, sur la vie? Question essentielle, pour ne pas dire existentielle, pour tous ceux et toutes celles qui ne supportent plus les rapports aliénés des hommes entre eux. Bande de cochons. Ça s'en va dans les bois. On est aux toilettes en même temps. Fait semblant de dire, oh mon Dieu, quelle horreur, deux entre eux. Des femmes ont sont en dentelle, les femmes sont en la belle dentelle, mais pas. Il y en a qui sont en métaux. Métaux. Mais tôt ou tard, elles se reconnaîtront et deviendront des femmes de tête. Mme Marois, Mme Thatcher, le tu mayonnaise. Puis Gaétane Brisebois, Gaétane, la grande Gaétane, qui était tout petite avant. Elle marchait le dos courbé, là. Elle marchait même pas à rampait. Hein, je lui disais souvent, attention! Parce que moi, je l'avais repéré, là. Je me préparais à faire mon émission il y a à peu près 30 ans, là. Mais là, je voulais monter mon équipe. Pour monter une équipe, il faut du temps. Pas d'argent, juste du temps. Puis pour moi, le temps, c'est pas de l'argent, moi. Là. Le temps, je vais dire quelque chose d'un très important. Ouvrez votre... enlevez la... Hein? Prenez votre crayon. Enlever le capuchon, c'est important, là, hein? Le temps, c'est le temps. Pas pire, hein? Le temps, c'est le temps. Et il me vient à la mémoire... Non, la chanson, je disais, le temps, c'est le temps. Ah oui. Le temps. Alors, on posait, là. On réfléchissait, là. On avait le grognon qui rugissait dans notre tête. Pas facile, hein? Un homme vis-à-vis lui, personnellement, à travers hein, la compréhension de la femme, la compréhension du sexe, la compréhension de la famille, la compréhension de la vie. On en vit des affaires, nous. Et comme disait Alain Souchon, le chanteur Alain Souchon, pas Alain Souchon, Souchon. S-O-U-C-H-O-N, Souchon. La chanson planétaire, là. Full sentimental. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on propose, d'avoir dit qu'on dit des choses, inattendables autres choses. Alors on fait croire que le bonheur c'est d'avoir de la croix pleine en sa voix. Question de fou dérisoire. Alors, pour Alain Souchon, l'homme est un fardeau pour lui. Il préfère se faire appeler garçon. En même temps, j'ai un professeur de philosophie qui s'appelait, et qui s'appelle sans doute encore, Andrew King, c'est presque vrai. Andrew, oui, mais King, peut-être pas. Peut-être traîne en anglais. Bon. Et parce qu'il peut nous écouter. Bonjour, M. Andrew. How are you? My mission. Voyons donc, on a misère à partir en première. L'hiver est pogné. Hein? Pas juste l'hiver qui est pogné. Bon. Il disait les gens qui n'acceptaient pas leur hiérarchie, leur statut, parce que c'est un statut, un homme, hein? Ils avaient peur de grandir. Hein? Le syndrome de Peter Pan. Tiens, c'est imbécile. Heureusement que... Non, mais il en faut des gens de même pour trouver des syndromes à tout. Hein? Ah, OK. Vous avez la fixette sur la relancette. Hein? Vous souffrez de... de balancette aiguë. Là, c'est en psychologie, là, ça demande une posiologie très, très serrée. Je vous dis, tellement serrée là, que vous ne pourrez même plus rien, vous pourrez plus rien acheter. Votre budget va être serré, votre estomac va être serré, votre côté intellectuel, ça risque d'être bien, bien serré. Fait que lâcher ses CQRL, vous ne comprendrez même pas ce qui se passe là-dedans. Là. Là-dedans, c'est pas de CQRS, c'est dans votre boîte à son, là, qu'on appelle une radio. Radio. Comme disait mon ami Alain Franqueur. Alain Franqueur, c'est Alain Souchon, mais Lucien Franqueur, il disait ce n'est que de la radio. Qui avait inspiré Lucien Franqueur? C'est Brigitte Fontaine. Qui a fait avec l'Orchestre symphonique de Boston l'incroyable chanson. Comme à la radio. Non, je ne la ferai pas, madame. Non, non, non, non, non. Je sais que c'est un de mes grands succès. Oui, ça, c'est lorsqu'il y a le deuxième rappel. Comme à la radio. Et je termine, mon troisième rappel, c'est « Je t'aime, moi non plus ». À Capella. Avec moi-même. En fait, c'est de l'auto-macération mentale. Ouais. Et puis, pour Souchon, garçon, pas homme. Titre trop difficile à prendre aujourd'hui. Dans ces années où on complexifie tout. Hey, où on essaye d'analyser un grain de sel et de le voir au microscope comme si c'était une banquise. Là. C'est un grain de sel. Okay, on se calme. Je sais que le macro, on en connaît-tu des macros? Hein? Non, mais en photographie, là, le macro, lorsque tu agrandis, lorsque tu zoomes, c'est important de zoomer dans la vie. Là. Hey, à un moment donné, là, il arrive des affaires, les informations, pout! Faut que tu t'arrêtes à l'ensemble. Là, okay? Tu prends l'ensemble, mais tu dois rapidement zoomer sur l'essentiel. Lâche la floriture, là. Lâche le bidding, badang, bidding, papang, c'est en revenant dans le... Non, ça, là. Concentre-toi sur le minuscule, sur ce qui semble anodin dans une phrase. Ça peut être un point-virgule, le mot qui suit le point-virgule ou le deux points. Quand tu lis un livre et tu vois qu'il y a deux points, là, abandonne la phrase, attarde-toi seulement à ce qui sera mentionné après les deux points. C'est important. Ça, c'est des trucs, là. Moi, ça m'a pris une vie, là. Encore là, une vie, encore un demi-siècle. Moi, j'ai un demi-siècle, moi. Puis dans le monde underground, un demi, c'est chèrement payé. Un demi-ami. Un de mes amis, moi, il s'est trouvé dans l'underground malgré lui. Il était fonctionnaire, lui. Fédéral. Il méritait pas de... Non. Il méritait pire que ça. Là, non, sa petite vie, bon an, mal an, ça l'intéressait plus. Là. Se lever le matin, prendre son petit café, sa petite rôtie aux confitures de aux fraises, prendre sa petite magnole. Il aimait bien avoir l'air, mais il avait pas l'air du tout. Puis à la fin, là, oh, la routine. Il a rencontré une rouille, une rouquine. Elle vivait dans l'underground. Oh là là là là là là là là là. Son métier, c'était de se vendre elle-même, de vendre même pas ses idées, de vendre son corps. Aujourd'hui, elle est devenue politicienne parce qu'elle a vendu ses idées. Très souvent, ces gens-là en ont, mais elle les endorme. Elle les endort. Parce que là, je fais de la conjugaison. J'essaie, madame, de faire attention à mon française. Mais mon française, des fois, se divague à travers d'autres significations étranges venues d'outre-mer. Hier, c'est pas aujourd'hui. On l'a dit ça. Et puis, cette dame, cette jeune fille-là, qui est la rouquine en question, même les garçons bouchés en ont fait une chanson. Soit Pigalle ou les garçons bouchés, mais je pense que c'est plus les garçons bouchés. C'est qui s'appelle la rouquine. Je la chanterai pas, mais je l'adore. La rouquine et les garçons bouchés, j'adore ça. Ah, mon tout. Lavabo, là, Lazaro, la gago, la... Hein? La gastro. Ah, hey, je suis revenu, moi, là, de Cuba. J'étais débouchonné de partout. Hey, aux douanes, j'en ai-tu laissé des traces? Ah, mon Dieu Seigneur. Ils m'ont chassé. Imaginez-vous, il faut être épouvantable pour te chasser des douanes. Pas parce que j'avais... Je laissais aller quelques trucs indescriptibles. C'est visuel, mais c'était surtout... odorifique. Je ne sais pas ce qu'il y avait pris dans mes intestins, mais même si je parlais, c'était aussi puant que ce que je laissais par en bas. Moi, la bombe à neutrons, là, j'étais la bombe à neutrons à deux troncs. Le tronc du haut, le tronc du bas. Jacques n'avait rien à voir là-dedans. Il me l'avait même envoyé. Il m'a envoyé un prompt rétablissement. Front, c'est beau, mais rétablissement, pense pas, mais politicien, là, ça pue autant en haut qu'en bas. Là, c'est est-ce que ça vient de là, l'équilatéral? Ouais. Alors, c'est ça, pour Alain Souchon, c'est garçon et non pas homme. Et puis pour la rouquine, le bonhomme a voulu vivre des expériences exceptionnelles et il s'en est brûlé. Quand tu veux toucher les étoiles, j'ai déjà dit il y a quelques semaines, tu risques de te brûler. Nietzsche. Ça vient pas de moi, ça vient de Nietzsche. Et puis, question essentielle pour tous ceux et toutes celles qui ne supportent plus les rapports. Moi, après trois biens, j'ai plus de rapports, moi, là. De rapports au niveau... ouais. L'oralité, ça va. Mais c'est lorsque mon diaphragme tente de sortir quelques bulles de ma gorge et de mon sphincter, ça fonctionne plus. Ah, mon dos. Ah, non. Puis l'autre rapport, bien, sexuellement, mais ça va trop. Puis mon dos. Pour tout ça et toutes celles qui ne supportent plus les rapports aliénés des hommes entre eux. Et dans les toilettes, là, comme je vous ai dit. Des femmes entre elles. Oh, les femmes entre elles, là, les hommes entre eux se disent « Ah, pas pire, hein, les femmes entre elles, les hommes... » Et un peu rien à l'index, les hommes... Oups, monsieur. Les hommes... des hommes et des femmes, des adultes et des enfants, c'est qui, et qui, et qui? Et qui, sans attendre le grand soir, censé résoudre tous les problèmes. Hey, mon Dieu. On va remettre ça dans le contexte parce que ça, c'est important, hein? Dans la vie, placer tout dans le contexte. Tu parles avec ta copine, puis un hurluberlu se pointe à travers la discussion, comprend pas ce qu'on dit, puis il glisse son mot qui n'a aucun rapport. Hey, va roter ailleurs, toi là, nous, on est en grande discussion existentielle. Ah oui, oui. Doit-on avoir des enfants après 42 ans? Non, elle en a 22, moi j'en ai 52, mais doit-on avoir des enfants? J'ai bien peur, moi, là. Pour moi, pas pour elle. Elle va l'élever, puis elle va me soutirer tout ce qu'elle a à soutirer, puis moi, je vais m'extirper moi-même par, malheureusement, le cycle de la vie. On appelle ça le cycle de la vie. Il y a deux cycles. Tu nais, tu meurs. Pas compliqué, deux cycles. C'est pas comme être maladeuse. Maladeuse, hey, récemment, la mienne m'a lâché. Pas ma femme, ma laveuse. Et puis, j'ai dû essayer de chercher ça dans le réseau, comment ça s'appelle ça, donc, réusiné ou dans le réseau, quoi, déjà utilisé, là. Madame, soufflez-moi, hein? On vous paye pas, je sais, mais aidez-moi, là. Aidez-moi, je suis dans... Usagé, hein, c'est quand même assez simple. Mais des mots simples, quand tu fais une émission, ça peut paraître complexe. Alors, je tente de trouver quelque chose d'usagé pour pas payer très cher, quoique c'est important pour moi, là. Puis, ben là, je me suis dit, non, on va aller dans le 9. Mais là, dans le 9, il y a 4, 5, 6, 7 cycles. Hey, tu sais plus dans quel niveau te placer, là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, on va rester simple. 1, tu places ça à 1, là. C'est juste de l'eau, il n'y a rien d'autre. Deuxième, au moins, ça roule 2-3 tours. Hey, au 15e cycle, hey, ta laveuse monte de 6 étages. Fait que tous les si tu restes dans un appartement, un immeuble, là, quand puis ça fonctionne comme l'ascenseur. Je vais vous expliquer rapidement. Là. L'ascenseur, là, vous creusez une montée. Hein, vous creusez en haut pour le voisin du haut. Plus t'es idiot, plus ça monte. Fait que, à un moment donné, si c'est à 12 étages, il y a un trou qui va faire, passer la laveuse à travers toutes ces 12 étages. Et tout le monde place son linge sale là-dedans. Ça monte, puis ça lave en même temps. Ça lave. Là, ça redescend, ça vient chez nous. Puis là, mais moi, je mets ça dans la sécheuse. Puis là, en plaçant ça dans la sécheuse, qu'est-ce qui se passe? Ben, je sèche tout le linge de mon immeuble, puis... Le soir, ben, je vais sonner aux portes, puis je distribue ce qui s'est lavé pendant toute la journée, puis je gagne ma vie avec ça. Ah, oh, c'est beau la vie. Que c'est beau. Question essentielle pour tous ceux et toutes celles qui ne supportent plus les rapports aliénés des hommes entre eux, des femmes entre elles, des hommes et des femmes, des adultes et des enfants. Puis là, on demande souvent aux adultes d'arrêter de jouer à l'enfant. C'est bien de retrouver notre âme et notre joie de vivre de l'enfance. Faut pas chasser ça. Et même si les tis vont dire autre chose. Les tis, ce qu'ils voudraient, c'est que tout soit beau, mais en même temps, si tout est beau, ils feront pas une maudite scène. Et qui, sans attendre le grand soir, censé résoudre tous les problèmes, veulent jeter les bases du rapport, de rapport humain nouveau. Quoique, le nouveau, ça fait peur. Puis on nous dit souvent, faut laver notre linge sale en famille. Fait que nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes des humains, hommes avec un grand H, qui rassemblent tous nous autres, toi, moi, Toi. Puis même toi, t'es chanceux, même toi. Hey, tu te sentais, des millions de monsieur m'ont pas nommé. Mais oui, on vient de te nommer. Toi, le champion numéro 1. T'es-tu membre de CKRL? Bon, monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques, madame les voluptés, ça pleure. Oh, mon Dieu. En même temps, ça fait du bien. Moi, ça ne réfléchit. Fléchir. Ah, je me fléchis régulièrement le tympan. Ah, mon, pour prier. Les chants gothiques, là. Nous te 143 ans de nature. Mes frères, mes sœurs, mes brebis, restez à l'écoute de ces paroles. Ainsi soit-il. Et vous avez le mal de pas Réalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme. Hein? On surréal, là, à trop de réalité, on devient intemporel. Guy Béard. Non. À quoi bon? Non, c'est temporel. Pas celle-là, Couillard. Non, c'est la chanson de Guy. Ah, d'accord. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Ah, mon Dieu! Hey, le 15 janvier sera greffé dans notre mémoire. Oui, aujourd'hui, le vendredi 15 janvier 2016, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un couscous narratif. Oh! Je viens de couscous. Non, oui, c'est ça, univers animé. Unissons-nous. Oh, OK. Oui, madame. Oui, pardon. Oui, au pied. OK. Oui, mon grand succès, c'est le phoque. Or, or, or! J'en ai un autre, c'est le chien, mais je ne suis plus capable de le faire. En tout cas, ce soir, là, je ne sais pas. Ça sort mal, le chien. Est-ce qu'on peut faire le chien? Ah ouh! Non, c'est pas ça, c'est... En tout cas, ça ne vient pas. Bref, apaisons la dure... oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami, ouais, monsieur Kent. Monsieur Kent. Kent, c'est un chanteur, bien sûr, qui a fait partie d'un groupe mythique rock punk, Starshooter, né dans l'explosion punk en 1977. C'est un auteur de bande dessinée aussi, de romans et de chansons. Mais je ne vous raconterai pas sa vie puisqu'il va nous la relater. Ben, la preuve, la belle preuve. C'est le week-end, c'est pas la peine de trop y penser. C'est le week-end, comme chaque semaine, on va s'ennuyer. C'est le week-end, c'est pas la peine de trop y penser. C'est le week-end, c'est le week-end, c'est le week-end, c'est le week-end,

si tu veux, on a toujours des audaces avec les chansons des autres qu'on n'a pas avec les siennes propres. C'est-à-dire que Marc s'est mis à jouer sur les cordes du piano plutôt que sur les touches. Et elle a pris un caractère. C'est unique. De la magie. C'est de la magie. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'elle est restée. Hein. Et sur scène, tu la reprends ? Ouais, ouais, ouais, j'aime beaucoup. Quel est l'accueil ? Tu annonces que c'est de vrai ? Oui, oui, oui, je l'annonce de manière un peu humoristique en disant si je vous l'annonce pas, vous allez croire que c'est une chanson de moi. Oh, et oui, je veux être honnête, parce que si vous la trouvez super. Achetez l'album de vrai. voilà, je voudrais pas vous mentir, c'est pas de moi. Quoi. Ouais. Et l'accueil est quand même assez... Ah non, mais bah bien, d'abord parce que bah, Brel, en France, tout le monde l'aime. Ouais. Donc, partout, c'est, au Québec, c'est écoute... Et ça reste... moi, ça reste... un de tes favoris. Oui, ça reste une étoile dans le ciel, quoi. Voilà, quoi. Plus que Ferré. En plus, sans problème. Pour des tas de raisons, parce que il avait une distance goguenarde qu'elle n'avait pas Ferré, je pense. Il faisait des choses... aussi forte, je pense, avec ses distances. Et puis surtout, quand on regarde toutes ces chansons, il y a un amour de l'humain, malgré tout ce qu'il en dit, malgré la façon dont il brocarde, il y a un amour de l'humain, c'est que de l'amour, ça. Même quand il chante les bourgeois, il en rigole, mais il les fréquentait, et il les aimait, ces gens, quoi, c'est ouais, clair, quoi. Ouais, ouais. Et il aimait tout le monde. Hein? Il se tirait dans le pied souvent, oui. Mais il savait réagir. Mais même lui, il finissait par se moquer de lui dans ses chansons, à la fin il se cite. Oui. Oui. Toi, sauf Brel à la télévision. Ah, ou bien personne qui a cet accent-là, sauf Brel. Voilà, et puis je sais plus, le lion quand... Il était toujours en train de se regarder dans le miroir. Ouais. Mais il n'y avait pas peur non plus. C'est les Belges, ça. Oui, c'est vrai. Mais on a un côté belge, nous, au Québec. Hein. Absolument. Oui, ouais, c'est ça. Absolument. L'humour aussi. Ouais, je sais pas, on a un intérêt marqué pour... ouais. J'ai une question, on va voir où ça nous amène. Si tu étais un liquide... Si j'étais un liquide, oui. Une bière. Laquelle? Une bière artisanale, c'est sûr, déjà. Pas Heineken, c'est clair. Et je sais pas... ce serait la bière allemande, un genre de bière blanche allemande qui s'appelle la Hefeweiss, que j'adore. Que tu trouves ici? Parfois. Ok. Parfois, ouais. Bon, l'équivalent ici, c'est la bière blanche, hein, Mais j'allais dire la Kierkegaard, ouais, au lieu de la Hoegaard. Oui, une bière blanche qui s'appelle Kierkegaard, oui, bien sûr. Oui. Non, Hefeweiss. Ça serait bien d'appeler une bière blanche. Ouais, c'est, voilà. C'est sûr, la bière, c'est plus que le vin. Ah oui, clairement. Le vin m'endort, la bière me soulage. Ouais, c'est peut-être le côté pétillant. Oui, et puis on peut en boire beaucoup sans être trop saoul, alors que le vin. Ouais, le vin, c'est rapidement. ça annonce quelque chose. Ah, puis c'est avec l'espèce de bouche après, la langue le matin qui pèse 3 kilos. C'est surtout quand il fait chaud, une petite bière, on dirait que c'est. Ah, mais tout le temps, moi, c'est tout le temps. Si tu mets là, c'est du Perrier. C'est du Perrier parce que je ne bois jamais avant 18h. Ok, ah t'es comme John Wayne. John Wayne. Ah oui? Le comédien John Wayne, il dit je n'ouvre jamais une bouteille avant 18h. Ah ouais. Parce que j'aime trop ça. Ok. Est-ce que. Mais oui, il écoute le côté épicurien, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que tu écris souvent lorsque tu es tranquille avec ton verre? Est-ce que les idées arrivent? Si tu veux être là le matin, puis prendre ton crayon et être dans la pureté totale, attendu que ce soit peut-être le titillement de l'alcool qui... Non, je carbure au thé. Quand j'en suis à le stade de travail dont je te parle, de rassemblement et de construction. Toutes sortes de thé. Non, le thé japonais okay. Au riz, comment ça s'appelle il a un nom. Je m'en rappelle jamais du nom. Qui était un amateur de thé. Oui, la journée, pour le coup, pour compenser, je bois du thé. Et je change de thé selon les moments. Qu'est-ce qu'il reste de ton côté, pas? Je sais pas trop. Quand quelque chose j'ai peu de patience, en fait. Je prends vachement sur moi, je travaille ça, mais il y a un moment donné où je vais éclater. Et ça c'est mon côté peint. Okay. Faut pas être là quand j'éclate. Non, il faut s'attirer. Aller aux toilettes. Regarder par la porte et si tu étais une ville. Bon, ça reste Berlin encore en ce moment. Est-ce que tu y vois souvent? Ouais, j'y vais souvent. Depuis maintenant plus de 10 ans, j'y vais régulièrement. J'y étais la semaine dernière. Pour créer, ou pour les vacances, pour t'amuser? Mais pour me détendre. Parce que c'est pas des vacances, c'est la détente. C'est une ville qui vit... c'est une ville trois fois plus grande que Paris, avec trois fois moins de population et trois fois moins de tresse, et moi je suis trois fois plus détendu. Voilà, et ça me soulage, ça me fait du bien. Et il y a beaucoup de création à Berlin. Et je travaille pas tant que ça à Berlin, en fait. Mais je pense que je travaille bien après, parce que j'étais à Berlin avant. Ah oui, ok. Ouais. C'est comme une sorte de ventilation. Bien vu. Au cinéma, on appelle ça la ventilation. Ouais. Quand ça commence à être trop tragique, il y a quelque chose d'humoristique qui arrive. Hein. Ouais. C'est la ventilation du créateur. Si tu étais une langue, et ça fait du bien de la ventilation quand tu fais chaud comme ça. Ouais. Sauf qu'à Berlin, il doit faire plus chaud, ça. Ah oui, oui, aujourd'hui. Ça tape là-bas. L'été continental là-bas, c'est une catastrophe. Oui, c'est épouvantable, c'est vrai. Mais c'est comme chez nous, c'est très humide. Ici, c'est plus ou moins humide, c'est sec un peu. Mais chez nous, c'est l'humidité qui tue, comme chez nous. L'humidité tue. Quoi qu'il y a des personnes âgées qui ont vie, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent. Et je suis aussi d'ailleurs. Hein, oui, oui, ben on a eu un été catastrophique en 2003. Oui. Ouais. Et j'y étais ici. Ah ouais? Mais je crois que c'est plus chaud là maintenant, à l'heure où on se parle. Ouais. Si tu étais une langue. Oui, une langue, alors, c'est une bonne question. Alors, tu vois, j'ai pas réfléchi, mais ce qui m'est en tête en premier, c'est. Hein? Ou la langue, qui était rentré à la langue? La langue, okay. Ce serait le russe. Parce que j'ai les amis russes que j'ai apprennent les langues extrêmement facilement et ils m'ont expliqué qu'en fait que dans la langue russe il y a tout ce qu'il faut pour apprendre les autres langues. Okay. Et c'est très projeté, c'est une langue projetée. Oui, et puis peut-être que consonne, voyelle, syllabe et tout ça, il y a tout ce qu'il faut et la facilité qu'ils ont, enfin du moins dans les amis que j'ai, ont eu à apprendre d'autres langues. Je me dis il doit y avoir un secret là-dedans, quoi. Okay. Et puis je crois qu'aujourd'hui, ça m'amuserait d'apprendre le russe aussi, pourquoi pas. Et ça va se faire? C'est un projet? C'est pas un projet, non, honnêtement c'est pas un projet. Je me suis remis à apprendre l'allemand parce que j'allais à Berlin beaucoup, j'ai eu envie de... Comme j'avais des amis là-bas, j'en ai eu marre de parler anglais avec eux et j'ai voulu être plus près d'eux, donc j'ai appris l'allemand. Et si un jour il m'arrive la même chose avec la Russie, supposons que j'aille faire des concerts là-bas et qu'il se passe des choses bien, je pense que je m'y mettrais, quoi. Ben ça, je m'étais dit la même chose avec la Chine. Hein. Ouais, mais tout ce qui est étranger est loin de Paris, loin de la France. Tout ce qui peut nous faire oublier. Je ne sais même pas si c'est loin, c'est pas une question d'éloignement, c'est... Le dépaysement. Dépaysement et rapprochement, si on veut. Si on va ailleurs et qu'on veut comprendre cet ailleurs, il faut le parler, quoi. Et surtout, c'est là qu'on se retrouve le plus. Là, on se retrouve nous-mêmes. Ah, ça, c'est... Parce qu'on se replie. Ça, c'est la grande leçon. Moi, j'ai beaucoup voyagé et au début, j'avais cette fausse idée que je voyageais par curiosité. Et en fait, je voyageais pour me fuir. Et plus je me fuyais, plus on me ramenait à moi. C'est-à-dire que quand tu es en Indonésie, tu arrives et que tu te mets à parler avec les gens te demandent de parler de toi, de ton pays, de tout ce que tu fuis, quoi. Et finalement, à en parler, on finit par se dire... Et de voir que ça provoque l'émerveillement, on finit par se dire « c'est pas mal finalement, on est pas mal ». Psychanalyse. Oui, absolument. Inconscient. La vie est une longue psychanalyse. Oui, oui, ça c'est vrai. Oui, Woody Allen en sait quelque chose. Hein. Oui, c'est ça. Si tu étais un mot... Oh, une époque avant, une époque. Alors une époque, j'aurais aimé naître juste après-guerre. Ok. Parce que tout ce qui... Et pas de ce côté de l'Atlantique. Ok, c'est quel endroit? L'Angleterre ou les États-Unis, je pense, okay. Parce que c'est là où tout s'est passé par, musicalement. Et comme, après, ça veut dire si c'était à refaire, j'en ferais la même chose, qui est un peu idiot, mais franchement, pas seulement musicalement, mais toute l'explosion de liberté, cette tension qu'il y a eu dans cette cocotte minute qui ont été les années 60, et comment la cocotte minute a explosé, ce qui est arrivé, j'aurais voulu le vivre à 20 ans. Et les amis que j'ai, plus vieux que moi, qui me racontent ce qu'ils ont vécu, ça me fait baver. Comme quand on regarde Monterey 67 et qu'on se dit putain, même si ça a duré qu'un été, bon sang. C'était, c'était quelque chose. Et puis, ça a une explosion, mais la queue de la comète derrière, elle a duré longtemps et c'était chouette à vivre aussi, quoi. Musicalement, c'était formidable. C'était formidable. C'était un truc. Le rock s'émancipait. C'était plus un truc pour jeunes et cervelés. Il y avait quelque chose en plus qui était apporté. Il y avait d'excellents musiciens qui inventaient une nouvelle musique qui était populaire. Jimi Hendrix et Pink Floyd vendaient des millions de disques sans passer à la radio parce que le morceau durait 20 minutes et c'était formidable. Oui, mais ils s'en foutaient et tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, on fait attention, les cartes. Et même les radios s'en foutaient parce qu'elles étaient capables de passer ces morceaux justement, oui, qui duraient 20 minutes. Ouais. Donc, quelle époque, quoi. Et c'était l'époque de des premières fois. J'ai changé de toi à vouloir m'offrir des prouesses. J'ai vexé la loi et on m'a mis là pour trois fois rien. Entre deux parias et un vieil assassin, là-haut est un ciel vertical tranché par. De papier de mise en scène au cours du procès, si peu d'amis et tant de gêne, mais j'aime ma fierté entre les défis et leurs conséquences. On tatoue la vie d'indélébiles outrances. Là-haut ciel vertical, tranché par les barreaux, je dors sur un lit de métal, raide comme un credo, tout mon horizon est mural, les trous sont des photos, mon transistor est plus vital qu'au naufragé. Je détestais me souvenir, j'oubliais les noms. Mais un jour, sans tes lettres, multiplie les barreaux. Un jour, sans tes lettres, là-haut est un ciel vertical, tranché par les. Trop tard, Thomas. CKRL-NF, le 89 Hall à Québec, avec Reynald Gagné. était la première fois de ci, la première fois de ça, de ça. Elle a découvert des drogues dans des conditions optimales. C'était on pas. Optimal. On trouvait optimal parce que le but de ces drogues-là, c'était l'expérimentation. Les portes de la perception, les ouvrir, l'expérimentation. C'était pas oublier le stress. C'était dans la création, c'était exactement. Dans un moment créatif, c'était pas un côté récréatif. Voilà, et ni un cocon dans lequel je m'enferme, c'était open space. Quoi. C'est ça. En 68, tu avais 11 ans. Qu'est-ce que, qui te reste de ce moment-là où tout le monde sortait sur les barricades? Ouais, ce qui me reste, j'habitais dans la banlieue de Lyon. Tout le monde était en grève. Je pouvais pas aller à l'école parce que les instituteurs faisaient grève. J'habitais dans un petit immeuble à côté d'une station-service et je regardais la queue des voitures qui allaient à la station pour, parce que l'essence était rationnée. Et donc, l'essence était rationnée? Ouais, ouais, bah oui, il y en avait. Il n'y en avait pas beaucoup et donc dès qu'il y avait une si tu veux, je ne sais pas si c'est rationné, mais il s'est passé en 68 ce qui s'est passé avec pour l'essence, ce qui s'est passé avec l'alimentation. C'est-à-dire que beaucoup de Français, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 68, De Gaulle est parti en secret en Allemagne. Il était question de coup d'État, de reprise en main militaire du pays. Enfin, tout ça était sous-tendu. On parlait de guerre civile. Mes parents parlaient de guerre civile parce que le gouvernement ne contrôlait plus rien. Il y avait des bagarres dans la rue, effectivement, il y avait des morts. Les CRS étaient débordés, d'où le général de Gaulle mis en danger. Finalement, personne ne l'aimait plus, il s'en rendait compte. Parti en Allemagne en se demandant qu'est-ce que je fais avec les militaires, est-ce qu'on reprend le pays, qu'est-ce que je fais. Et donc, moi j'avais 11 ans, je ne me rendais pas compte de ça, mais mes parents, j'entendais, je ne comprenais pas, mais j'entendais ces choses-là. Quoi. Et donc, il y a eu cette trouille d'une guerre civile, et les gens se précipitaient pour acheter, comme pendant la guerre, du sucre. Il y avait pénurie de sucre en 68. Mais ça me fait rire, quoi. À Paris aussi, c'était juste en banlieue. Je ne sais pas à Paris, moi j'étais à Lyon. Okay. Paris, ça n'existait pas pour moi à ce moment-là. Oui. Alors c'était ça, toi, ce qui t'a... Oui, c'était ça, c'est voir les queues de voitures pour cette station-service. Comme j'aimais bien les bagnoles, j'étais ravi parce que je voyais des voitures. J'ai dit, ça c'est une Austin, tiens, ça c'est une Mercedes, ça, c'est là, quoi. Est-ce que si tu étais un mot? Canopée. C'est un beau mot. Ça se place bien dans une chanson? Ouais, je pense que ça peut être facile, mais je vais pas pouvoir le placer dans une chanson prochainement parce que j'ai une amie chanteuse qui veut le placer, on en a parlé une fois. Justement parce qu'elle elle habite à Berlin et elle est dans un immeuble et je ne sais plus à quel étage elle est, mais justement quand on est sur son balcon, elle est dans le feuillage, surtout au printemps et en été, elle est dans le feuillage des arbres, parce que c'est des hauts tilleuls. Et elle est et je lui dis, oh, t'es dans la canopée. Elle connaissait pas le mot. Alors elle me dit, mais c'est quoi la canopée? Je lui explique. C'est les feuilles, c'est là où sont les oiseaux. Il y a toute une vie. C'est comme une peinture aussi. C'est un autre monde. Tu sais, il y a le radeau des cimes, tu étais en train de parler de ça, qui est en Amazonie, pose sur la canopée justement pour étudier du haut, parce qu'ils ne peuvent pas descendre, c'est trop compliqué. Quoi. Donc je racontais tout ça, elle me dit, je vais faire une chanson avec la canopée. T'es un véritable professeur auprès de certains. J'espère. Ça me ferait plaisir. Non, mais ça sert à ça aussi, hein. Les années passent, donc il faut raconter, il faut être professoral dans la vie. Oui, il faut faire attention aussi. Ce qu'on peut faire sans Aznavour. Oui, oui, oui. Ça devient merveilleux. Ouais. Aznavour est revenu de tout, c'est dommage. Il donne cette impression qu'il n'a plus rien à apprendre. Peut-être qu'à 90 ans, je serai comme lui. Ça, je peux pas jurer. Tu montes encore sur scène à 90? J'espère que non. Non? C'est assez pitoyable. Tout le monde le dit. Le voir, c'est pitoyable. J'ai pas envie d'aller le voir, mais enfin, je connais des musiciens qui jouent avec lui. Il est sourd comme un pot, il a ses prompteurs, il a plus de voix. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Quoi. Si tu étais un aliment. Un animal? Un aliment. Un aliment. Je suis en train de chercher l'aliment que je fais. Ah, la cerise. La cerise. Sur le sundae. Hein? La cerise sur le Sunday. Chez nous, on dirait ça, c'est la cerise sur le Sunday. Pourquoi pas? Ouais. Déjà. Utilisez-vous cette expression-là? Cerise sur le gâteau. Ah, sur le gâteau? Et soldé, c'est quoi? Un Sunday? Ah, bah, ok, c'est ça. Ok, c'est de la crème glacée avec de la crème fouettée et la cerise. Ah. Et comment vous appelez ça, vous? La cerise sur le gâteau. Oui, mais la Sunday que je vais vous. Il n'y a pas de nom. Ah, il n'y a pas de nom? La canopée, peut-être. Ah. Non, ah, non. Quand tu veux t'en, quand tu veux manger cet aliment-là, qu'est-ce que tu dis? Tu te le fais et tu le dis pas? Ben, je sais pas, c'est quoi c'est ça? C'est de la crème glacée. Crème glacée? Ben, une crème glacée. Oui, mais avec la crème fouettée et une cerise. Ben, non, on demande une crème glacée, et puis peut-être qu'on va nous proposer de la chantilly, c'est tout. Mais ça. Ah, bon. Si, voilà. Non, mais à Québec, on va te faire une belle crème fouettée. Exactement, ça, je le demanderai. Si tu étais. Mais essaye la poutine, après ça, ça sera. C'est fait déjà. Ah oui, et puis. Ah, t'es, ok, tu t'es pointé au Québec? Oui, j'ai joué deux, trois fois, je crois. Au Francofolie? Ouais, ouais. Ok. Deux fois au Franco. Ah oui, oui, oui. Une fois au. Dans les 2000. La dernière fois, c'était il y a peu de temps. Enfin. 2013, 2012. Putain, je me rappelle. Dans ces eaux-là, oui. Non, c'était pas 2012, c'était avant. Mais t'es pas au Métropolis? J'aurais dû. Je dirais 2010. Ok. Il me semble. Déjà? Putain. Ah ouais, déjà. Ok, 5 ans. Oui, il me semble, parce que c'était avant ma tournée en Chine, donc c'était en 2011, donc voilà. Ok. Et tu as mangé de la poutine? Avant, j'avais mangé la poutine quand je suis venu en 96 ou 93 la première fois. Est-ce que pour ça les a été... coups de cœur. Oui. Coup de cœur. Ah oui, oui. Coup de cœur francophone. Voilà. Est-ce que ça a été un traumatisme pour toi, la poutine? Non. C'est lourd, hein? Oui, c'est... Là, aujourd'hui, ça serait épouvantable. Indéniablement, c'est lourd. Mais pour l'hiver, c'est merveilleux. Mais après plusieurs bières. C'est pas un traumatisme. Parce que je suis curieux. Comment. À tous les niveaux, même si c'est. Au niveau de la cuisine, je suis curieux même de tout, quoi. Et je suis pas du genre à dire. Faut vraiment pour que ce soit dégueulasse. Faut vraiment que ce soit dégueulasse. Faut que ce soit, quoi. Franchement. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Ah, si tu étais une saison. Le printemps. C'est frais, hein. Printemps parce que la sortie de l'hiver, parce que l'explosion des fleurs, parce que les cerises. Parce que les cerises. Alors, les cerises, oui. Et parce qu'il ne fait pas encore trop chaud. Aussi. Voilà. Si tu étais un membre corporel. Tu es un membre. Oh, oui. Il n'y en a pas 36, hein. Oui. Une partie du corps, tu veux dire? Oh, oui. J'ai réfléchi, mais avant de réfléchir, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est une main. Donc je dirais une main. Ok. Ben oui, pour un créateur, pour un humaniste, ouais. La main. Ouais. Si tu étais un moment de ta journée. Le matin très tôt. J'arrive pas à me lever tôt. Et ça m'énerve parce que quand je me lève tôt, c'est formidable. Ok. Et ça peut être le matin. Ou la nuit très tard, quoi. Alors, normalement, tu te couchais à une certaine époque. Ouais, mais je le fais plus très longtemps. Ouais. Mais c'est un moment, je trouve, fabuleux, qui me remplit de vie. Et je le fais pas assez parce que je sais pas me coucher tôt. Je m'endors jamais avant 1h du matin. Donc, je peux pas connaître l'aube. Sauf, c'est mon grand regret. Et je sais qu'il y a des personnes, et ça, c'est génétique. Je te l'apprends, peut-être. Les personnes qui dorment peu, c'est génétique. Et si tu dors beaucoup, c'est pareil, c'est voilà, tu fais rien, c'est ton corps est fait comme ça, et tu peux faire au contraire, ça marche pas, quoi. Et je regrette. Alors les périodes de grosse chaleur comme ça, c'est bien parce qu'effectivement, j'arrive pas à dormir beaucoup, ouais. Et je me lève tôt, et c'est mais pas assez tôt encore. Mais 5 heures du matin, c'est un moment extraordinaire. En te levant, est-ce que tu es dans le monde créatif ou tu es dans le ah monde... oui, okay. Eh oui, okay. Et je suis très con. Je suis très con parce que j'en profite pas de ce moment-là. Il y a un côté un peu chez moi, un peu trop. Cartésien. Pas cartésien, mais. Travailler, trancher. Ouais, cataloguer. Je me lève, je dois prendre ma douche. Ah, ok, structuré. Structuré. Je prends ma douche, je déjeune, et après je m'y mets. Et même je m'y mets après avoir vu le courrier du jour, en fait, tout ça. Ah, ouais, okay. Et dans ce temps, de ce temps-là, je me dissipe. Ouais, ouais. Je sais pas sortir du lit et me mettre à ma table de travail. Je me déteste en pyjama devant une feuille blanche. J'aime pas cette idée-là, quoi. Ah ouais, ouais. C'est con, hein. Non, mais... non, écoute, c'est des rituels. C'est des rituels, exactement. Et ça fait encore partie de la psychanalyse. Ok, ben oui. Est-ce que tu consultes? Non. C'est toi-même qui, à travers les mots... Non, je consulte, c'est une tentation, une vraie tentation. Mais je crois que je passerais à l'acte si j'étais sûr de tomber sur le bon psy. Et, pas facile. Voilà, c'est apparemment pas facile d'après les témoignages que j'ai. Non. Ça boue, ça peut bien tuer net, puisque ça pousse à bout. Des tatatanas, personne pour les manier, personne pour les calmer, juste à mes mains, juste à mes pieds. Gardons les grands ensemble, bien plus grands qu'il me semble. Alors tu réverbères quand l'été lui s'éclaire. Essaye de chercher quelqu'un à qui tout dire. Y'a que des chats, que des chiens, jamais personne pour quelqu'un. Personne pour quelqu'un. Personne pour quelqu'un. Ne sonne jamais après 10 heures. Parle de jus, ta gestion et retour d'ascenseur. Ah, des coups de cul pour mon 4 heures, des filles de rue pour mon ardeur. J'ai pas de vaudou pour faire sortir la bête. Qui m'enchaîne à la cou, qui m'enterre la quête. J'essaie quelqu'un à qui parler. Même quelconque, ou quelqu'une, même concurrent la lune, je m'en fous de la qui je cherche. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. Paysagiste ou garde forestier. Ça veut dire si je faisais un autre métier, mais je crois que c'est ça. Si il y avait une autre vie à vivre, ce serait celle-là. Garde forestier, je trouve que c'est... Honorable. trouve c'est, je trouve c'est bien, c'est, et je trouve que ça a tout son sens aujourd'hui. Garde forestier, avant on pensait que c'était pour protéger un coin, mais garde forestier pour moi c'est pour garder la forêt. Protéger en général. La comprendre aussi, ouais. C'est comprendre comment ça me fait chier d'être aussi nul quand je me travaille dans les sous-bois, de pas distinguer un champignon d'un autre et de dire ça c'est un arbre et pas savoir le nommer. Ça m'emmerde énormément. C'est le lexique que tu voudrais apprendre. Et comprendre comment fonctionne exactement et l'intérêt des saisons et pourquoi il se passe ceci dans tel mois et pas à tel autre et voilà. Et savoir, tiens, là, il y a un tel animal qui est passé. Oui, okay, à cause des porcs, puis ça me, de l'urine. Ça me plairait vraiment, quoi. Mais c'est une autre vie, quoi. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Non. Par curiosité, il faudrait en faire un autre. Non. Lesquels? Non, parce que le même chemin, c'est tricher. Donc, on ferait pas le même chemin. Et dire, si je devais choisir et que je fais le même chemin, il faudrait se retrouver comme dans le manga de Taniguchi, ouais. Le quartier lointain. C'est-à-dire que je recommence à 20 ans, mais avec tout ce que je sais. Et là, c'est oui. Formidable. Ah oui. Là, avec toutes les erreurs que tu as commises, là, c'est imparable. Je sais tout, les pièges et tout. Et évidemment que tout va marcher comme sur des roulettes. C'est clair, quoi. Mais ça, c'est absurde. Enfin, c'est pas absurde, mais c'est ce que je veux dire. C'est pas ta question. Quoi. Oh, si c'était à refaire, est-ce que si je devais repartir maintenant sur une autre vie, évidemment que je reprendrais pas celle-là. Pour plusieurs raisons. Mais en même temps, si tu es rendu ici, maintenant, c'est à cause de ça. C'est ton cheminement qui t'a rendu. À un moment donné, si tu veux, si. Finalement, si j'avais pas eu si Starshooter arrive à marcher, je serais peut-être un très bon dessinateur de bande dessinée aujourd'hui. Ouais. Et alors que ça paraît moins excitant, ce serait peut-être à 58 ans, ce serait peut-être plus excitant que la musique, parce que un très bon dessinateur de bande dessinée, il est publié dans le monde entier à un moment donné, s'il est très bon. Et je serais à partir partout avec mon métier, alors que j'ai fait de la musique pour partir partout avec mon métier, et ça n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui. C'est pas le cas, ouais, mais l'industrie est malade aussi. Et l'industrie est le fait d'être français, encore une fois, j'en reviens à ça, quoi. C'est un truc, et c'est pas un complexe que j'ai. En allant chanter, on a des pays improbables où le français n'est pas une langue ni remarquable. Je me suis aperçu ô combien cette barrière de la langue était due à l'industrie musicale et non pas au désir des autres à écouter chanter français, quoi. C'est clair, quoi. Ça m'a foutu les boules et ça a fait que ce métier, je ne l'aime pas, quoi. Je me suis aperçu très vite. C'était un truc... c'est un complexe franco-français, quoi. C'est même pas... ça vous met pas dedans. C'est vraiment franco-français. Quand tu dis... je me revois le nombre de fois où je me suis trouvé avec une maison de disques en disant « Et ce disque-là, ça peut intéresser... je vais tourner en Allemagne, comme ça m'est arrivé. Est-ce que vous allez promouvoir le disque en Allemagne ?» Et le disque n'est pas promu en Allemagne alors que je suis en train de faire un carton. Et ça me... C'est fou, ouais. Ça m'agace, quoi. Oh, c'est un truc... Parce qu'ils savent pas rebondir. Ils connaissent plus l'industrie. Ils connaissent plus la façon de faire d'une certaine époque. Oui, voilà. Jusqu'au début des années 60, le français était exporté. Et puis arrive le rock, il y a un complexe énorme qui se crée en France, mais dans le cœur des musiciens et dans le cœur de l'industrie, avec le rock qu'on subit et voire qu'on vénère à limite collabo avec ça, quoi, tu vois. Et qui fait que ça... ça pollue complètement le paysage. Le paysage et la création. Ouais. Et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. On ne veut pas refaire l'histoire. On n'est pas rendu là. Mais ça commence. Je suis très content de ce qui se passe. Justement, le fait que l'industrie musicale, les tenants de l'industrie musicale s'écroulent, l'Internet, la prolifération des artistes indépendants, des artistes français qui sautent les frontières avant même d'être connus en France. Oh, oui. Et ça me fait très plaisir, okay. Ça. Qu'ils chantent en français ou en anglais, je m'en fous, mais moi, voilà. Mais toi, tu chantes uniquement en français. Oui, je chante uniquement en français. Maintenant, si demain on me dit, tu as une tournée aux États-Unis, si tu chantes en anglais, je vais chanter en anglais parce que la vie est trop courte, surtout à 60 ans. Et puis tes projets à venir, c'est quoi? C'est des spectacles encore? C'est de faire peut-être de créer un groupe avec une autre formulation? C'est pas aussi précis, c'est plus flou. Mes projets à venir, c'est que en 2017, j'aurai 40 ans de carrière et j'aurai 60 ans. C'est con, c'est les chiffres ronds, ça m'agace, ça me fait chier, les anniversaires me font chier, mais 40 ans de carrière, je me dis c'est quitte ou double, voilà. Donc je travaille là-dessus, je me dis tu voilà. Tu veux lancer ça, tu veux que je veux pas lancer ça, je sais pas si okay. je veux que ça cartonne, je veux juste me dire être que... Être connu. Non, ok, ça te fait suer ça, reconnaître. Non, c'est mort, attends, okay. Ça me fait pas suer, c'est okay. Pas ça, c'est me dire, c'est... cette année-là, je serai sur scène. Et soit je dis au revoir, soit je rempile. Ok, c'est ça. Ça passe ou ça casse. Voilà. Voilà. Soit c'est au revoir, soit. Mais sans tristesse, quoi, encore une fois, parce que c'est une idée qui me trotte en tête depuis pas mal d'années maintenant. Et parce que j'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup écrit, il n'y a plus grand chose qui me surprend. Enfin bon, voilà, quoi. Et je voudrais pas tomber dans le cynisme, voilà, donc, ou le savoir-faire qui il y a plus de surprises, enfin ces trucs comme ça. Donc je voudrais éviter ces écueils. Alors je me dis voilà, ça c'est un bon chiffre, 60 ans, il se passe quelque chose ou il se passe rien. Mais... Alors tu as quelques années à travailler ça. Deux ans, c'est vite, c'est pas oui, vite. Oui, hein. Oui, oui, oui. En âge psychologique, ça passe vite. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'adonnes encore à faire des dessins ou... Oui, ouais, ça m'arrive encore. Ouais, ouais. Des illustrations, parce que j'ai plus trop le temps de... J'ai plus trop le temps d'avoir des idées de bande dessinée, voilà. Ça me déplairait pas d'en refaire, mais je suis sec, j'ai pas d'idées. Mais là, actuellement, tu es en vacances? On n'est jamais en vacances quand on non, fait des... Non, un créateur n'est jamais en vacances, jamais. C'est vrai. C'est insupportable. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est insupportable si on décide d'être en vacances. Ah oui, ouais. Si on se dit en vacances, c'est pas possible. C'est là que commence toutes les... Bah, tu te dis, la fermentation. Ça y est, je pense à autre chose. Et puis non, il y a une idée qui va venir et tu vas dire quoi? Je l'oublie parce que je suis en vacances. Ouais, ouais. C'est idiot. C'est totalement idiot. Ouais. Donc voilà, il n'y a jamais de vacances. Mais bon, c'est plus ou moins obsédant. Il faut tâcher que ça ne le soit pas trop quand on est avec des gens en vacances. Oui. C'est surtout ça qui compte, surtout les proches. Quoi. Ceux-là, faut pas les emmerder, c'est ça? Faut pas leur faire subir ces... Le stress, de ne pas voilà. Travailler, de ne pas avoir de... Bon, en même temps, il y a des divas avec des égos monstrueux qui n'ont rien à péter et à qui ça réussit. Hein. Ouais, ouais. Ils n'ont peut-être pas tort, finalement. Ah ouais? Toi, ce que tu regrettes, c'est de ne pas avoir d'égo? De ne pas te la péter? Je me laisse répéter plus, je pense que c'est une recette au succès. Le pétage. Oui. L'autosatisfaction et l'arrogance, c'est une recette au succès. Mais est-ce que ça compte vraiment? Ça compte beaucoup. Ah bah, ouais. Il y a un moment donné, si je regrette, j'en sais rien. Je sais qu'à un moment donné, pour être numéro un, il faut vraiment marcher sur la gueule des autres et prendre leur place. En même temps, on et pas et ça, je sais pas faire. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ton côté humaniste. Je sais pas si c'est mon côté humaniste, ça fait prétentieux de dire ça, je dirais que c'est ma grand-mère qui m'a donné ça. Je sais pas si c'est pas humaniste, on a toujours l'impression d'avoir une tête en bronze sur un socle. Non, c'est quelqu'un qui est vers les autres, qui fait attention à l'autre. En fait, la liberté de l'un, c'est... Oui, oui. C'est bon. Voilà, voilà. Il faut pas empiéter sur les autres. Mais à un moment donné, dans des métiers comme ça, faut oublier, je crois. C'est clair. C'est un conseil que je peux donner aux jeunes, en tout cas. Ouais, allez-y, mon monsieur Aznavour. T'as une chance, tu crois que tu vas y arriver, t'en as un que tu penses qu'il a plus de talent que toi, t'en as rien à foutre, marche sur la gueule. Ouais, non, vas-y, c'est ça. Non, mais... Et puis s'il s'en sort, ça le rendra plus fort. Ouais, exactement, ouais, ce qui tue pas nous rend plus fort. Ouais. Puis en même temps, il y a tellement de choix musical, il y a tellement d'artistes qui se présentent que si on fonce pas, on ne mérite même pas d'être là. Oui, oui. Après, bon, toi, c'est je peux très bien dire le tout et son contraire sur ce sujet-là. Franchement, bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si je me la pétais, je serais pas là à parler dans un non, micro avec une radio associative, voilà. Merci d'être passé. Et ça me fait plaisir, et surtout, j'ai adoré ton dernier album, je te l'ai dit. Merci. Et peut-être un passage à Québec. Mais je souhaite revenir à Québec et jouer festival, plus longtemps qu'un festival. Ce qui est bien, c'est en plein air. Ouais. Les gens sont tellement à l'aise. Et je te vois très bien faire un spectacle devant le public sur un gazon. Tout me va, je suis tout terrain. Ah oui, c'est tout terrain, effectivement. Je peux même chanter ici, s'il le faut. Si tu veux partir, il n'y a pas de problème. Je vais mettre mes magnétos en direction. Johnny Hallyday, et ça faisait rigoler toute la galerie. Les parents, leurs amis, au repas du dimanche, en redemandaient et je m'exécutais. Dans ma petite tête, germait une graine. La chansonnette, bien sûr, ça me plaisait. Main sur la table, sage à l'école, je trompais mon monde, je me sentais capable. Capable de voler là-haut vers les étoiles, capable de nager au beau milieu des squales, mais capable surtout de trouver la sortie, sans mode d'emploi vers une putain de vie, dit de l'exemplaire. Les collèges, les lycées et les poussées d'acné, mais les premiers concerts et le rêve qui dure. Et les prises de conscience, de hiérarchie sociale, des dernières libertés bombées sur les murs. Dans ma petite tête pousse la graine, fuir ce bordel bien sûr plus que jamais. Vivre à l'air libre et sans cartable, rire à tue-tête et se sentir capable. Capable de rallier les chanteurs d'illusions, capable d'attaquer les vendeurs d'opinion, mais capable surtout de trouver la sortie, sans mode d'emploi vers une putain de vie, dit de l'exemplaire. M'en a fallu du temps et tant d'incertitudes pour arriver jusque là debout et entier. Trier des amitiés, résilier des amours, garder toutes mes dents et m'estimer content. Dans ma petite tête, il y a comme une fleur, et son parfum est hallucinogène. Elle dit la vie est une fable, quand je dérive et me sens incapable. Incapable d'avoir encore de l'appétit, incapable de voir que je suis un vernis. mais incapable aussi de suivre à la lettre ce mode d'emploi pour être et paraître une idole exemplaire. Un jour j'ai voulu respirer, poser mon cul sur un coussin d'air, regarder voler les coléoptères. Fatigué des coups de gueule, fatigué des coups des vols, de la stérilité qui fait vivre la pègre, fourmillant sur les ondes qui tournent au vinaigre, du fonctionnariat sauvage qui grimpe les étages, qui mène au succès sage en suivant les rouages. S'évaporait, captif d'un court bouillon. Et le microclimat qui me préservait des cons devenait poreux, prenait l'eau. Je devins peureux aussitôt. La peur irraisonnée de ne plus voir l'air libre, ne plus le reconnaître dans ma ville qui vibre, à cause d'une guitare qui était un jouet, puis ensuite un poignard et enfin un boulet. Je virais la folie imbécile et mesquine, et je baissais les bras en panne d'adrénaline. Transforme en pétrole la sève d'adolescence. Et c'est partout pareil, il faut juste rester en éveil. Qu'on soit musical ou manuel, cérébral ou sensuel, la suffisance, la complaisance, c'est tout un art quand on y pense. Une discipline, une danse, une façon de vivre en France. Alors je reprends la route jusqu'au dernier combat, sans illusion cette fois, et c'est mieux comme ça. Dis pas ta vie, raconte pas ta vie. Oh,